j'avais de la peine. J'aimais être seul dans mon coin, oui j'avais des problèmes. Et tout le monde a sûrement les siens, il fallait que j'apprenne à discerner le mal du bien et qu'enfin je comprenne ce qu'était la vie. J'ai eu du temps à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. La chance en bas et bien tu pourrais t'y méprendre. Si tu manquais de rien, à quoi pourrais-tu prétendre? Moi tout ce que je dis c'est derrière les nuages y'a toujours le soleil. Et après les larmes, un sourire qui sommeille. Passer l'hiver, le printemps se réveille. Oui la vie est belle, comme un enfant qui s'éveille. Ne l'oublie jamais. Jamais perdre espoir. Oui, je sais, la vie est dure, mais y'a pas lumière sans noir. Qu'attends-tu pour profiter? La vie est belle à voir et pleine de surprises. Derrière les nuages, y'a toujours le soleil. Et après les larmes, un sourire qui sommeille. Passer l'hiver, le printemps se réveille. Oui, la vie est belle, comme un enfant qui sait. Ne l'oublie jamais. Et peu importe les déconvenus, ne perds pas tes rêves de but, tu ne sais pas ce qui t'attend. Peu importe les déconvenus, ne perds pas tes rêves de but, tu ne sais pas ce qui t'attend. Car c'est... On est faible. Ensemble, on est plus fort. Car seul, on est faible. Ensemble, on est plus fort. Et derrière les nuages, y'a toujours le soleil. Et après les larmes, un sourire qui sommeille. Passer l'hiver.